الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا لونج اي تا ديو سينيور دي زونيفير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين اي جاتيس كيل ني ا اوكين ديفينيتي ا بار ديو tuteur des vertueux واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الامين Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad al-jum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd. أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères, mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations في الأسبوع الماضي lors de la semaine passée توقفت حركة الطائرات في معظم دول أوروبا. Le mouvement des avions a été arrêté, l'activité des avions a été stoppée dans la majorité des pays en Europe. لا تفارق الطائرات أوروبا ولا تصل إليها لا تخرج منها ولا تدخل إليها. Les avions ne pouvaient pas quitter l'Europe et ne pouvaient pas entrer en Europe. Et ceci a duré à peu près 6 jours consécutifs. Quelle est la cause? Quelle a été la raison? La réponse: burkanun mutafa'il, un volcan actif. Fi jazirat Islanda, dans l'île qui s'appelle l'Islande. Al-Jazira mawjouda fi wasat al-muhit al-Atlasi taqriban bayna Europa wa Amerika al-Shamaliya. L'île se trouve approximativement au milieu de l'océan Atlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Al-Burkanu akhraja dukhanan wa ramadan bi-istimrar. Le volcan a dégager une fumée, des cendres en continuité, فَكَوَّنَ سَحَابًا رَمَادِيًا أَتَى مِنْ وَسَطِ الْمُحِيطِ وَغَطَّى أُوروبَ. Et il a formé un nuage de cendres qui est venu du milieu de l'océan pour couvrir la totalité ou la majorité de l'Europe. هذا الرماد يمنع حركة المحركات أو محركات الطائرات. Ces cendres empêchent l'action des moteurs d'avion. فصدرت الأوامر بأن لا تتحرك الطائرات وإلى الكل سيسقط. Et on a donné des ordres suprêmes pour que les avions ne bougent plus, restez cloués au sol afin que les avions ne tombent pas. Sittat ayyam mutataliya, 6 jours de suite. Hisar burkani l'Europe, un siège, un blocus volcanique pour l'Europe. Faqat ramadu burkanin wahidin وسط المحيط الأطلسي شل حركة الطائرات في أوروبا. Que les cendres, on ne parle pas de feu, que des cendres d'un seul et unique volcan se trouvant au milieu de l'océan a anéanti tout mouvement d'avion sur le continent européen. لا يمكن أو لا من يتحرك في السماء الأوروبي. Personne ne bouge dans tout le ciel d'Europe. Khasara maliya, une lourde perte financière. Kabira, inda sharikat at-tayaran wa wakalat al-asfar, une lourde perte financière chez les sociétés d'aviation et chez les agences de voyage. Malayir al-uruhat da'at, des milliards d'euros ont été brûlés par le volcan. Européen, بمئات الآلاف بقوا محبوسين في مطارات العالم. Des centaines de milliers d'Européens sont restés emprisonnés au sein des aéroports dans le monde entier. المطارات صارت سجون بركانية. Les aéroports sont devenus des maisons d'arrêt volcaniques. لا من يستطيع فعل شيء. Personne ne pouvait faire quelque chose. لا قوة في العالم تستطيع أن تفعل شيئا أمام فقط رماد بركان واحد. Aucune puissance dans le monde n'a pu faire quelque chose devant seulement les cendres d'un petit volcan. ظل الكل ينتظر أن تتوقف حركة البركان. Tout le monde est resté en attente pour attendre la fin de l'activité du volcan à partir de lui-même. ستة أيام عسيرة عاشتها أوروبا. Six jours très difficiles, catastrophiques que l'Europe a vécu. قال الاختصاصيون, les spécialistes des volcans ont dit ممكن أن تبقى حركته عدة شهور, ربما تفوق السنة. Ils ont dit il est possible d'après l'histoire, d'après l'étude des volcans dans l'histoire, il est possible que l'activité du volcan d'Islande continue pendant des mois et ça peut dépasser même l'année. هناك فوق الأرض أكثر من 1500 بركان متفاعل. Sur le globe terrestre, il y a à peu près plus de 1500 volcans actifs. ولكن حوالي 20 في السنة في العالم يخرج الدخان والرماد والسيول. Mais seulement autour de 20, à peu près 26 par année dans le monde qui dégage la fumée, les cendres et la coulée de lave, du magma. المؤمن يرى في حركة البركان توقيعا لله. Le croyant observe dans l'action, dans l'activité du volcan, une signature de Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité dans ce monde à part Allah. Allah يأمر البركان بالتحرك. Le volcan qui dort reçoit les ordres suprêmes de la part de Dieu de se mettre immédiatement en activité. أعطاه الخريطة الجغرافية لحدود غمامته الرمادية. Dieu lui a donné avec précision la carte géographique que le nuage des cendres ne doit pas dépasser. وأعطاه مدة الحركة. Et Dieu lui a donné la durée de l'activité. ستة أيام. Six jours. وهذا يدل على رحمة الله بالناس. Et ceci montre, cela montre la grande miséricorde de Dieu envers l'humanité. لم يأمره بسنة. Dieu ne lui a pas dit de travailler pendant une année. رحمة, miséricorde. تخيلوا لو قال الله للبركان تحرك مدة سنة. Imaginez si Dieu avait dit au volcan œuvre pendant une année. Sana min ghayr ta'irat. Une année sans avion qui décolle ou qui atterrisse. Rahmatullah, شاءت أن البراكين الحية فقط ما يقارب 20 يتفاعل، وهي أكثر من 1500. La miséricorde de Dieu a voulu que seulement par année il y a une vingtaine des volcans qui agissent et ils sont au nombre de 1500 par miséricorde. تخيل لو قال الله لكل البراكين أكثر من 1500 تفاعلي يا براكين. Imaginez avec moi si Dieu a dit à tous les volcans plus que 1500 aux volcans agissez, mettez-vous en activité. Burkan واحد أوقف أوروبا. Un seul volcan a arrêté les mouvements d'avions en Europe. 1500 تقتل الناس والبهائم والنبات. Si les 1500 et plus de volcans se mettent en même temps à agir, il y aura plus de gens, il y aura plus d'animaux, il y aura plus de végétation sur la terre. La terre deviendra noire. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité dans le monde à part Allah. تخيل لو تكلم الله مع كل الجبال في الدنيا تحولوا يا جبال إلى براكين. Imaginez avec moi si Dieu a adressé la parole à toutes les montagnes, pas les 1500, toutes les montagnes des milliards dans le monde, transformez-vous en volcan actif. كل هذا يبين ضعف الإنسان أمام قوة الله. Tout cela montre la grande faiblesse, la faiblesse infinie devant la force infinie de Dieu, la faiblesse infinie de l'homme devant la puissance absolue et infinie de Dieu. غير المسلم يرى في البركان. Le non-musulman voit à travers le volcan une puissance infinie de la nature. قال بعض المفكرين الفرنسيين. Un parmi les penseurs français dit بركان إسلندا. Le volcan d'Islande. علمنا أننا صغار أمام الطبيعة. Il nous a enseigné qu'on est petit, qu'on est des minuscules microscopiques devant la nature. وعلمنا درسا في التواضع. Et il nous a enseigné une leçon en humilité. لو فكر الناس بصدق. Si les gens de la planète ont réfléchi avec sincérité, avec raison, et s'ils ont écouté l'appel de la nature, ils l'entendraient dire à eux avec ces tremblements de terre comme le tremblement qui a touché cette année malheureusement Haïti. بفياضاناتها وعواصفها avec ces inondations et ces tempêtes كعاصفة كزينتيا التي أخرجت البحر من سريره بأمر الله كن فيكن ومات أكثر من 50 شخص في جنوب غرب فرنسا. Comme la tempête de Xintia qui a fait sortir la mer ou l'océan de son lit avec un ordre suprême de Dieu, et plus que 50 personnes ont péri dans le sud-ouest de la France. La سمعوها لو أنصت الناس للطبيعة. Si les gens écoutaient la nature, ils l'entendraient dire. La سمعوها تقول بزلازلها. Ils l'entendraient dire avec ces tremblements de terre. فياضاناتها avec ses inondations, بعواصفها avec ses tempêtes, ببراكينها avec ses volcans actifs. سمعوها تقول, ils l'entendraient dire لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Allah. الزلازل, les tremblements de terre, العواصف, les tempêtes, البراكين, les volcans, ما هي إلا تذكير من الله لعباده جميعا. Tout cela ne sont qu'un rappel venant de la part de Dieu à ses serviteurs, à tous ses serviteurs, بأنه موجود, comme quoi il est là, il existe, وعليهم بعبادته, et ils doivent l'adorer, وعدم نسيانه, et ils ne doivent pas l'oublier. ولكن مع الأسف, mais malheureusement, لم نسمع ولا واحدا من السياسيين ذكر الله. Malheureusement, on n'a entendu même pas une seule voix venant des gens de la politique qui a évoqué Dieu. بعدنا أو ذكر أن بعدنا عن الله هو السبب في شقاء الإنسانية. Ou une voix politique qui a dit que la cause du malheur de l'humanité réside dans son éloignement du Créateur. حتى يعود الناس إلى دين الله, afin que les gens reviennent en masse vers la religion de Dieu. لو قلنا للمسجونين في المطارات الله هو الذي أراد الكل سيسجد أمام الله. Si on a dit à ceux qui étaient prisonniers dans les aéroports, c'est Dieu qui a voulu, tout le monde allait se prosterner à Dieu. Ils allaient transformer les aéroports en mosquées. وأمام كل الكوارث يقولون علينا باحترام البيئة وأن نكون إيكولوجيون. Et devant toutes les catastrophes, ils disent, on doit respecter l'environnement, on doit être écologique, للحفاظ على الأرض من الكوارث, afin de préserver la terre des catastrophes. نعم, oui. الإسلام أمر باحترام البيئة وعدم ظلمها. L'islam nous a recommandé le respect de l'environnement et de ne pas être injuste envers l'environnement. لأن الظلم حرام في الإسلام, parce que l'injustice est interdite en islam. ولكن لا ننسى للأرض وللكون ملك يسير. Mais on ne doit pas oublier que à cette terre et à cet univers, il y a un roi. On est dans le royaume de Dieu. Il y a un roi qui gère. هو الذي يأتي بالكوارث. C'est lui qui apporte les catastrophes. الكوارث لا تأتي من تلقاء نفسها. Les catastrophes ne viennent pas d'elles-mêmes. فبدل أن نخاف من الكوارث فلنخاف من الله. Au lieu de craindre les catastrophes, nous devons craindre Dieu. وأقول لهم, et je leur dis, حتى لو احترمنا الطبيعة ولكن إذا عصينا الله ستأتي الكوارث. Même si on respecte l'environnement, on doit le respecter, mais même si on respecte l'environnement, mais dans le cas où, avec notre respect de l'environnement, on désobéit à Dieu, les catastrophes vont venir, comme ce qu'on voit maintenant. وفي الأخير نسأل الله أن يهدي كل البشرية لمعرفته. À la fin, on demande à Dieu de guider toute l'humanité à sa connaissance. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ce six serviteurs de Dieu, أتساءل في ماذا يفكر المسلم إذا رأى البركان وهيجانه. En quoi pense-t-il le musulman lorsqu'il voit le volcan et sa colère, والسيول المحرقة الحمراء الخارجة منه, et lorsqu'il voit la coulée de lave rouge brûlante qui sort de lui, والدخان المتصاعد منه, et lorsqu'il voit la fumée sortante du volcan. الجواب يفكر في جهنم. La réponse, le musulman pense à la جهنم, à جهنم. البركان صورة حية في الدنيا تبين صورة مصغرة لجهنم الموجودة في الآخرة. Le volcan est une image vivante dans le bas monde qui montre une image réduite de la Gehenne qui se trouve dans l'au-delà. حتى لا يقول أحد غدا يوم القيامة لم أكن أعرف. Afin que personne ne dise demain le jour de la résurrection, ah, je ne savais pas. انظر إلى البركان وخذ العبرة. Regarde mon frère ou ma sœur le volcan et tire la leçon. الطائرة لا تطير فوقه بعلو 10,000 mètres. À 10 km. L'avion est incapable de passer au-dessus du volcan à 10 km. Sur une hauteur de 10 km ou plus. L'avion est incapable de faire ça. Wala bijanibi bi alaf al kilometrat. L'avion est incapable de passer à côté du volcan de quelques milliers. 4 ou 5 ou même 10 000 km. La man yastati'u al qurba minhu 'inda infialihi. Personne ne peut s'approcher du volcan lors de son activité. لو وضعت أي شيء في سيوله الحمراء لذاب. Si tu poses n'importe quelque chose dans sa coulée de lave rouge, la chose disparaîtra. فلا ترى, tu la verras plus. هل تستطيع يا أخي ويا أختي أن تقترب من البركان؟ Est-ce que frère ou sœur, tu es capable de t'approcher du volcan? هل تستطيع أن تقف وسط سيوله? Es-tu capable de t'arrêter comme ça debout au milieu de sa coulée de lave rouge brûlante? هل تستطيع أن تدخل إلى داخل البركان? Es-tu capable d'entrer, de pénétrer à l'intérieur du volcan? في الحرارة الجهنمية, dans la température infernale. إذا كنت لا تستطيع فإن ذنوبك يا أخي ستدخلك داخل جهنم بركان غير متناهي. Si tu es incapable, frère ou sœur, tes péchés d'aujourd'hui vont te faire entrer à l'intérieur de la Gehenne, un volcan infini. إذا كنت تحب نفسك فارحمها. Si vraiment tu aimes ta propre personne, sois et pitié envers elle. La tudkhilha fi jahannam ghadan yawm al-qiyama. Ne fais pas entrer ton corps dans la Gehenne le jour de la résurrection bidunub al-yawm, avec les péchés d'aujourd'hui. As-su'al, la question. Hal tuhib nafsak akthar am tuhib ash-shahawat akthar? Est-ce que tu aimes ta propre personne plus ou tu aimes tes désirs plus? Fakir jayidan. Réfléchis bien, réfléchis très bien. Az-zina tariqun ila al-burkan. L'adultère est un chemin vers le volcan. C'est facile de descendre vers la vallée verte, vers le paradis lorsque tu es au milieu de la montagne. C'est difficile de faire l'effort et de monter vers le volcan. Mais toi, lorsque tu choisis l'adultère, tu préfères la difficulté pour monter au lieu de choisir la facilité de descendre sans effort vers le paradis. As-sariqa tariqun ila al-burkan. Le vol est un chemin direct vers le volcan. Al-mukhaddirat tariqun ila al-burkan. Les drogues constituent un chemin direct vers le volcan. Al-harb ma'a al-police. La guerre avec la police. Ihraq al-hafilat. Incendier les bus. طريق للبركان est un chemin vers le volcan. كما أحرقت الحافلة ستحرق في البركان. Exactement comme tu as brûlé le bus, tu seras brûlé dans le volcan, dans le volcan infernal, في البركان الجهنمي. ترك الصلاة طريق للبركان. Abandonner la prière est un chemin vers le volcan. ترك الحجاب طريق إلى البركان. Abandonner le voile ou ne pas porter le voile est un chemin vers le volcan. Réfléchis, ma sœur. Réfléchis. Imagine-toi maintenant à l'intérieur du volcan. Maintenant, c'est vrai, tu jouis, tu montres tes cheveux, tu te montres belle. Mais regarde comment tu vas être à l'intérieur du volcan infernal. عقوق الوالدين طريق إلى البركان. La désobéissance aux parents est un chemin vers le volcan, il a arrêté, etc. Ifal mashiat. Brièvement, fais ce que tu veux. Wallahi, par Dieu le Très-Haut. Kama ra'aita burkan ad-dunya satara fil akhirah jahannam. Al-burkan al-lamutanahi. Par Dieu, comme tu as vu dans cette vie ici-bas, le volcan de l'Islande, tu verras certainement dans l'au-delà la géhenne, le volcan infini. Et tu verras sa fumée, et tu verras sa colère, la colère de la géhenne, et son bruit fort, et tu vas ressentir sa chaleur, sa température infernale, afin que tu entre dans le paradis, la Buddha antamurra fauqa jahannam. Tu dois passer au-dessus de la GN. At-ta'ira la tastati'u antamurra fauqa al-burkan. L'avion est incapable de passer au-dessus du volcan. Wa anta satamurru fauqa burkan jahannam. Et toi, tu vas passer au-dessus du volcan de la GN. Afin que tu puisses entrer dans le paradis. Fauqa sirat. Araq min ash-sha'ra, au-dessus d'un sirat qui est plus fin qu'un cheveu, wa amda min as-sayf, est plus aiguisé qu'un sabre, satakunu muthqalan bidunubik, tu seras alourdi par tes péchés, wa tara jahannam tahtak, et tu verras la GN, l'intérieur du volcan infernal en dessous de toi, wa anta fil fada, et tu es dans le vide. وأمامك عشرات الملايير من الكيلومترات فوق جهنم. Et devant toi, devant ce grand volcan, il y a devant toi des centaines de milliards de kilomètres de la GN. إذا تركت الذنوب, si tu renonces au péché, إذا أحببت الله, si tu aimes Dieu, إذا عشت لله, si tu vis pour Dieu, ستمر على الصراط إلى الجنة كالبرق. Tu passeras sur le sirat au-dessus de la GN vers le paradis comme l'éclair. Min ghayri suqut, et sans chuter. Nas'alullah at-tawfiq. On demande à Dieu de nous aider. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa'at-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-afwa wal-afiyah fi al-din wa al-dunya wa al-akhirah. Allahumma alif ala al-khayr qulubana wa aslih dhat baynina wa ahdina subul as-salam wa akhrijna min al-dhulumat ila al-nur wa aj'alna hadina mahdiyin ghayra dallin wa la mudillin birahmatika ya arhamar rahimin. يا من لا إله إلا أنت يا رب يا من خلقتنا إنك تعرف بأننا ضعفاء وأن جلودنا ولحومنا وعظامنا لا تقوى على النار يا رب يا من خلقتنا نجنا من حر النار يا رب حرم أجسادنا على النار يا رب احفظنا من النار يا رب كن معنا إذا وقفنا على الصراط يا رب اجعلنا نمر فوق الصراط كالبرق يا رب ساعدنا كي نجتنب الذنوب في الدنيا كي لا نهوي في نار جهنم على رؤوسنا يا رب نسألك بعظمتك نسألك بجودك نسألك بكرمك اللهم حرم كليا أجسادنا على النار يا رب اجعلنا من أهل جنتك ولا تجعلنا من أهل نارك اللهم أرنا عيوبنا وأرنا ذنوبنا وساعدنا على التوبة وساعدنا على البعد من الذنوب برحمتك يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا واملأها بمحبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة